بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل في قراءتنا ودرسنا في هذا الكتاب المبارك من شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى المصمم بالمبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. Pour cette lecture alors et l'explication de ce livre d'al-mabadil mufida. فقال المؤلف حفظه الله تعالى في المسألة الخامسة والستين قال على المسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات مفروضة والدليل حديث طلحة ابن عبيد الله أنا أعربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة متفق عليه فإذا قيل كم في الخمس صلوات ركعة فقل فيها سبع عشرة ركعة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات والصبح ركعتان وفي السفر تكسر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين فتصير 11 ركعتين. Donc l'auteur il dit dans le 65e point, il convient aux musulmans d'observer chaque jour et nuit 5 salats obligatoires. Et la preuve c'est le hadith de Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu anhu qu'un bédouin a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam et qui lui répondit 5 salats de jour et de nuit. Apporté par le Bukhari et Muslim. Et si on demande combien y a-t-il de raka'a en 5 prières, raka'a souvent ils le traduisent par unité. D'accord, mais mieux vaut le garder comme il est. Donc combien y a-t-il de raka'a en 5 prières? Dit, il y en a 17 en tout. 4 pour le dhor, qui est la salat qui a lieu à midi. 4 pour le asr, celle qui a lieu en milieu d'après-midi. 3 pour le maghreb, qui ont lieu au coucher du soleil. Et 4 pour le Isha, qui est la salade de nuit, et 2 pour le Subh, qui est la salade qui est avant le lever du soleil. Et pendant le voyage, le Dhuhr et le Asr et le Isha sont raccourcis à 2 rak'at, donnant ainsi un total de 11 rak'at. Donc là, à ce point, il vient nous expliquer que les salates sont le 5, quotidiennement, de jour et de nuit. Quand on dit de nuit, soleil va là pour le Isha, et également le Subh, qui en réalité a lieu avant le lever du soleil. Mais on va dire que lorsque le temps du sobri rentre, c'est considéré comme étant le début du jour. Donc là, et ces cinq salats sont le deuxième pilier de l'islam. Les salawat. Et la mas'ala fiya khilaf tawil kathir par rapport à, il y a une longue divergence par rapport à leur statut pour celui qui la délaisse. Les ulama sont unanimes quant à ce que celui qui la délaisse et la renie volontairement et ne voit pas l'obligation, celui-là est un mécréant. Après, il se divise en deux paroles qui en réalité en décèlent une troisième. Entre celui qui la délaisse par fainéantise, il reconnaît son obligation, il reconnaît son statut, et cependant il ne la fait pas par fainéantise. Des ulama, certains, on va dire même la plupart, disent qu'il n'est pas mécréant pour cela. Et d'autres disent qu'il est mécréant pour cela, et ça c'est l'avis, l'avis qui est paraît le plus fort, suite à aux preuves exposées dans le sujet. Kafikoli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, El ahab beynana wa beynahum, as salaf a man tarakaha, fakod ashrak ou fakod kafar. Que ce qui est entre nous et eux, c'est la salat. C'est-à-dire ce qui nous différencie nous des koufars, c'est la salat. Et celui qui la délaisse a certes mécru ou a certes associé. Et d'autres preuves sont venues. Kafikoli Laya Aza wa Jel, wa ma salakakum fi sakar. Et si Ami vous est dit, dans le sens, s'il aurait dit, qu'est-ce qui vous a mené vers le feu? Ils diront, nous étions de ceux qui ne font pas la salat. La salane. Wa kama qala ta'ala an al-mushrikeen, fa in aqamu salat wa ata'u zakat, fa yukhwanukum fi din. Que si Ami ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat, alors ils sont vos frères en religion. Et c'est peu que des gens disent, oui, mais la zakat aussi, alors celui qui la délaisse, c'est un mécréant, on dit non, car il y a des preuves qui sont venues, démontrant que celui qui délaisse la zakat, son sort, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths sont venus, alors que la salat, il n'y en a pas. Donc de là, les ulama ont interprété ce verset que pour la salat, celui qui la délaisse, mais qui par la suite l'a fait, et devient un musulman. Donc là, c'est le deuxième call, qui est que celui qui la délaisse par fainéantise, la plupart des savants voient que cela est du kufr asrar, de la mécréance mineure, et d'autres voient que c'est du kufr akbar, majeur, mais cet avis est le plus fort. Et un troisième call a été donné, comme nous l'a rapporté notre cher Abu Bilal, hafizallahu ta'ala, et qui est l'avis de Shir l'Islam, c'est par rapport à celui qu'il a fait de temps en temps et qu'il la délaisse de temps en temps, ou celui qui ne l'a fait jamais. Celui qui ne l'a fait jamais, jamais, jamais, même pas une rakat, même si c'est un kasoulan, lui, il est dit qu'il est un mécréant, sûr. D'accord? Parmi ceux qui voient que celui qui délaisse sa salat par fainéantise, il différencie entre celui qui ne l'a fait jamais, même pas une rakat, et celui qui la délaisse de temps en temps. Des fois il l'a fait, des fois il ne la fait pas. Et celui qui ne l'a fait jamais, pour lui aussi, ils disent que lui, même si c'est un kasoulan, lui c'est un kafir, c'est un mécréant. Donc attention, quand les ulama disent qu'on voit que le tarq salat, takasulan, c'est pas de la mécréance, il faut regarder qu'est-ce qu'il veut dire par là. Souvent, il parle de celui qui la délaisse de temps à autre. Ah, mais quand c'est celui qui la délaisse totalement, qui ne fait jamais une rakat, jamais de... Là-dessus, ne pas penser que leur avis est dans l'absolu. Leur avis, pour celui qui délaisse totalement, voit que lui, il est mécréant. Donc bien regarder les paroles des savants sur ce point. Donc là, pour revenir au sujet, les cinq salats quotidiennes. Elles sont une obligation sur le musulman. Baalir. C'est-à-dire homme ou femme. Et elle est une obligation d'être... Il revient aux parents d'ordonner leur enfant de 7 ans de l'accomplir. C'est-à-dire l'enfant, s'il ne l'accomplit pas, il n'a pas de péché. Seulement les parents, s'ils le laissent faire, ou plutôt s'ils ne le forcent pas à faire la salat en l'ordonnant, eux, ils auront combien péché. Donc ils doivent lui ordonner. Et à 10 ans, s'il ne la fait toujours pas, c'est-à-dire il refuse de la faire lorsqu'on lui dit de la faire, on le frappe pour cela. Et pourtant, à 10 ans, il n'est pas forcément pubère. D'où l'importance de cette salat. Donc ne pas dire l'enfant, il est impubère, s'il ne fait pas la salat, c'est pas grave, c'est pas compté. Ce n'est pas compté sur lui, mais c'est compté sur les parents, le père et la mère. Donc ils n'ont pas droit de le laisser faire. Ils doivent le forcer. Et ces salawats ont été rendus obligatoires à Mecca, avant la Hijra. Et ce, lors de la nuit du Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été jusqu'à Bayt al-Maqdis, jusqu'en Palestine, puis a été élevé aux cieux. De là, il a rencontré les prophètes à chaque cieux. Et de là, une fois qu'il est arrivé après le septième ciel, Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé à la base 50 salats. D'accord? 50 salats sur la Ummah. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam revenait vers Moussa, qui était au sixième ciel, et un khilaf, certains disaient septième, mais dans les hadiths c'est venu sixième ciel, dans lequel il lui disait que ta communauté ne pourra pas supporter cela, donc retourne voir ton Seigneur, qu'il minimise le nombre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam retournait vers Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder afin que le nombre soit diminué. Jusqu'à ce qu'il soit 40, après 30, après 20, jusqu'à arriver à 5. Et même une fois arrivé à 5, Moussa alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de retourner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je suis gêné de mon Seigneur. Stahitu min Rabbi. Ou salamtu khayra. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, elles sont 5, mais elles en valent 50. Elles sont 5 salats, mais elles en valent 50. Et de là, elles sont devenues obligatoires pour tout musulman baalir. Avant, les musulmans faisaient 2 salats. Une en début de jour, une à la fin de la journée. Mais là, lorsque ces salawat ont été rendus farida, ont été rendus obligatoires, alors là, les cinq sont devenus obligatoires quotidiennement. C'est une chose qui est reconnue même par les koufars, que les musulmans, ils font 5 salawat par jour. C'est une chose qui est connue. Donc il revient aux musulmans de ne pas cesser aller et d'accomplir ces salawat comme il se doit dans leur temps. Et dans l'auteur dit qu'elles sont de 17 rakat kul yom, car il y a 2 salat. Il y a 2 rakat pour le sobh, il y en a 4 pour le zor, il y en a 4 pour le Asr, il y en a 3 pour le Maghreb et 4 pour le Isha. Ça revient à 17. 17 rak'at quotidiennes, obligatoires. Et lors du voyage, le Dhuhr et le Asr et le Isha sont raccourcis. on lit le Zohr et le Asr ensemble. Soit on le fait au temps du Zohr, ou soit au temps du Asr. Et deux chacune. Deux pour le Zohr et deux pour le Asr. Et le Maghrib et le Isha sont liés également. Soit au temps du Maghrib, ou soit au temps du Isha. Le Maghrib, lui, il reste de 3 rakat. Il n'est pas réduit. Par contre, le Isha, lui, il réduit de 2 rakat. D'accord ? 2 rakat. Et le Fajr, il reste de 2 rakat. Il ne change pas. Même au voyage. Maintenant, celles-ci sont les salats obligatoires, prescrites sur les musulmans quotidiennement. Et celui qui veut plus de récompense encore, et plus de tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a les salats, les ratiba, celles qui sont liées à chaque salat. Des salats qui sont parties de la sunna mu'akkada, une sunna à ne pas délaisser autant que possible. C'est ce qu'on appelle les salawat et rawatib, celles qui sont liées aux salats obligatoires. Kamadja, في حديث حبيبة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. Que selon حبيبة, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il n'y a pas de serviteur muslim qui n'accomplisse 12 rakat surrogatoires pour Allah tous les jours, en dehors des salats obligatoires, sans que Allah ne lui construise une maison au paradis. Aucune maison ne soit construite au paradis. Donc là, il y en a 12 rakat qui accompagnent les salawat obligatoires. Mais elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont une sunnah mu'akkada, fortement recommandée, d'accord, celle sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était continu. Quelles sont-elles ? Fi sahihayn ja'a 'an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. Selon Ibn Omar, qui l'a dit, j'ai fait la salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire surrogatoire, qui sont de 2 rakat avant Zohr et 2 après Zohr et 2 rakat après le maghrib et 2 après l'isha. Là ça fait 8. Tamam. Et selon Aïcha, كما روى البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, elle disait, Aïcha, qu'il ne les délaissait jamais 4 rakat avant le Zohr. Donc là, comme on lit entre le hadith de Ibn Omar et celui de Aïcha, tout simplement les savants, ils ont dit à plusieurs akwal, mais le plus fort, le plus authentique, c'est qu'en fait, tu as le choix. Avant Zohr, tu peux parfois le faire 2 et parfois faire 4. D'accord ? Si tu fais 2 ou 4 avant Zohr, tu as fait la sunna mu'akkada. Et si tu en fais 4, tu as fait la sunna mu'akkada. Et une autre version est venue, 4 après Zohr également. 4 après Zohr. Et il y en a deux autres qui sont avant le Fajr. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rakat al-Fajr, خير من الدنيا وما فيها كما جاء عن عائشة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que les deux rakat dans le Fajr sont meilleurs que la dunya, ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et le prophète صلى الله عليه وسلم les faisait tout le temps, mais c'était légère. D'accord, c'était légère. Donc là c'est salawat ratiba qui sont liés aux salawat obligatoires. Tant qu'il est possible de les faire, il faut les faire et rester assidu. Elles ne sont pas obligatoires. Celui qui ne les fait pas n'a pas de péché. Mais celui qui l'a fait se verra récompensé biznillah ta'ala. فقال المؤلف بعد هذا في المسألة السادسة والستين قال كل صلاة يؤذن لها في وقتها والدليل حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفيه الأمر بأداء الصلوات الخمس في جماعة متفق عليه. Donc le shir dit dans le 66e point, on appelle à chaque salat l'azan, c'est-à-dire en son temps. Et la preuve, c'est le hadith de Malik ibn Huwayrith radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le temps de la salat est proche, c'est-à-dire est venu, plutôt, lorsqu'il est venu, que l'un d'entre vous fasse l'azan, l'appel à la salat, et que le plus âgé vous dirige. Et ce hadith contient l'ordre d'accomplir les 5 salawat en commun, en groupe, rapporté par Bukhari au Muslim. Donc là, ce point nous démontre également que lorsque le temps de la salat, les salat elles ont des temps prescrits, d'accord, avec des horaires. Lorsque le temps y rentre, il revient. C'est un fard qui faillit sur la umma. C'est une obligation commune, c'est-à-dire que si certains le font, que l'obligation n'incombe plus aux autres, que certains doivent faire l'azan, appeler la salat. Et cette azan est obligatoire. Et il est parmi les emblèmes de l'islam. Et le muazzin a une grande récompense. Le muazzin, celui qui fait l'azan, il a une grande récompense. Comme a dit le hadith Muawiya, un des imams musulmans, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al muazzinu atwal nas a'naqan yawm al-qiyamah. Que les muazzinun sont ceux qui auront le plus long cou le jour de la résurrection. C'est-à-dire ils seront plus hauts que les gens, plus apparents que les gens. Et que le muazzin plus lève sa voix, il aura la récompense de chaque personne qui l'aura entendu, son azan. Donc là, il dit dans le hadith que le plus âgé d'entre vous vous dirige. Cependant, n'est pas obligatoire. Car en réalité, cela peut revenir également celui qui est le plus en droit d'être imam, celui qui connaît le mieux le Coran et qui le récite le mieux, même s'il est le plus jeune. D'accord ? Même s'il est le plus jeune, s'il connaît le Coran plus que l'âgé et le récite mieux que l'âgé, alors il est le plus en droit d'être imam. النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في هجرتي سواء فأقدمهم إسلاما. طيب donc selon أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه que le message d'Allah صلى الله عleyhi wa sallam a dit: que dirige, préside la salat, celui qui connaît le mieux le livre d'Allah. Après, il dit, s'il a mis son ego, alors que préside la salat, celui qui connaît mieux la sunna, qui est le plus savant de la sunna. Si son ego en cela, alors celui qui a fait la hijra en premier. Et s'il a mis son ego en cela, alors celui qui entre en islam en premier. Au fur et à mesure, à kada. Et il est permis, même à l'impubère, s'il connaît bien le Coran, de préciser la salat s'il est le plus apte à le faire. Comme ce fut le cas de certains sahaba. C'est-à-dire, le fait d'être baalir, ce n'est pas une condition pour être imam. En réalité. Maintenant, si on a un mineur, un impubère et un pubère qui sont égaux, bien évidemment, on va faire devancer le pubère. Comme le prouve le hadith, que le plus âgé lise. Mais sinon, ne pas dire que comme il y a des enfants et d'autres qui sont plus âgés, alors que le mineur connaît mieux le Coran, il reste peut-être mieux, et que l'autre âgé connaît moins bien, reste moins bien, comme il est plus âgé, on le fait devancer. Non. Comme a dit le hadith, Akra'okum, celui qui connaît mieux le Coran. Donc le plus âgé n'est pas forcément plus savant. Donc il faut bien appliquer la sunna, comme on voit beaucoup de gens qui ont des traditions, ou des coutumes, que forcément c'est le plus âgé qui va en avant, alors que derrière eux, il y a des gens plus en droit de réciter le Coran. Ou de préciser la salat. Aussi jeune soit-il, le Coran, ils le connaissent mieux. D'accord ? Et ils connaissent mieux la sunna. Et ils connaissent mieux le tajwid. Et ils sont plus même mustaqimin. Tu les vois, des jeunes salafis. Et devant lui, un ammi, qui récite moins bien, juste parce qu'il est vieux. Et peut-être même qu'il a fait le hajj, ils vont dire. Hada hajji fa wa awla bil imama. Ce n'est pas vrai, ça. Comme il a fait le hajj, et que c'est un vieil homme, et que c'est un ancien, alors il est celui qui fait la salat. On dit non. Shal'an, c'est pas lui qui est plus en droit de faire la salat. Shal'an, c'est le jeune qui est plus savant qui doit le faire. Maintenant, si on trouve un âgé qui regroupe toutes les autres caractéristiques, un arme, lui, on le met en avant. Mais là, chèque. Donc là également, il cite que cette salat doit être faite en groupe. Il est obligatoire de faire la salat en groupe. Min adillat zalika. Parmi les preuves, في صحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال ما هم جزء من حطب إليكم لا يشهدون الصلاة فأخرق عليهم بيوتهم بالنار. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que j'étais certes sur le point d'ordonner à quelqu'un de diriger la salat. puis je m'en irai avec des gens. Je partirai avec un groupe d'hommes, avec eux des fagots de bois, afin de trouver ceux qui ne font pas la salat en groupe et de brûler leur maison sur eux. Donc on a regardé un petit peu la menace qui plane sur ceux qui ne font pas la salat en groupe, sans excuse. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à les brûler dans leur maison. Bien que brûler n'est pas permis. Les hadiths qui interdisent de brûler sont venus par la suite. D'accord ? Maintenant, la salat en groupe doit être faite obligatoirement. Pour celui qui entend l'azan. Ou qui a une distance qu'il lui soit possible de pouvoir aller au masjid et faire la salat en groupe. Elle est excusée pour celui qui est malade. Masalan. Ou celui qui n'entend pas l'azan ou qui habite trop loin. Par exemple. Ou d'autres raisons. Sans quoi, s'il n'y a pas d'excuse, la salat en groupe est obligatoire. D'accord? Elle est obligatoire. Et certains ulama disent que celui qui ne fait pas la salat en groupe, alors qu'il est en mesure de le faire, ça c'est déjà pour le bénissa. C'est une ressemblance avec les femmes. Car les femmes, à la base, elles, il n'auraient pas obligatoire de faire la salat en groupe. Donc les ulama disent que celui qui ne fait pas la salat en groupe, alors qu'il peut le faire, également tombe dans la ressemblance avec les femmes. Wali'az billah. Donc sa salat en groupe, elle est obligatoire. Et son délaissement, surtout celle du Fajr et du Isha, sont des signes des hypocrites, des munafiqin. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi sahihayn, Nabi Hurayra, qala afqal as-salati ala al-munafiqin, salati al-Isha wa salati al-Fajr. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. Qui les dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les salats les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du Isha et celles du Fajr. Et s'ils savaient ce qu'ils avaient comme récompense, ils viendraient même à quatre pattes. Donc regardez bien que le musulman se remette en compte lorsque la salat du Isha vient ou celle du Fajr vient et qu'il ne veut pas y aller. Car on sait qu'elles sont lourdes. Pourquoi? Car c'est l'heure, le Fajr, c'est l'heure où tu te réveilles. Et c'est l'heure également où il fait sombre, personne ne te voit. Et le Isha également. C'est l'heure, c'est la fin de la journée où tu es fatigué. Et il fait nuit, personne ne te voit. Donc de là, celui qui est faible de foi ou qui est un munafiq, le munafiq, ils ont du mal à y aller. Beaucoup de mal à y aller. Donc ceux qui ne viennent jamais à la salat, au Fajr ou au Isha, ceux-là, d'accord, chez les Sahaba, on doutait d'eux. On doutait d'eux. Donc celui qui a une excuse, notre conseil pour celui qui a une excuse et qui ne vient pas, qu'il fasse un bayen aux gens, lui en premier, qu'il n'attende pas qu'on l'accuse. Car si les gens l'accusent ou doutent de lui, d'accord, c'est lui qui aura mis son honneur en jeu. Qu'ils ne disent pas pourquoi les gens parlent sur moi, pourquoi ils ne me demandent pas. Non, c'est à toi de bayen en premier. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba a dit Safiya, lorsqu'ils passèrent près du messager de sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec Safiya, au loin, pour ne pas qu'ils aient de doute, il leur a dit, c'est sa fille, c'est ma femme. D'accord? Et de là, les savants, ils ont mis une règle que celui qui tombe dans une position de doute, ou on doute sur lui, c'est à lui, en premier lieu, de devancer les gens et de faire un bayen, de déclarer sa situation pour pas qu'on doute de lui. Qu'il n'attende pas que les gens parlent sur lui pour dire pourquoi il parle sur moi. D'accord? Donc si demain, tu as des choses, c'est une situation générale qui t'arrive, dans laquelle les gens vont se mettre à parler sur toi pour une chose qui, en apparence, est une transgression, c'est à toi de devancer et de dire aux gens, peut-être pas à tous, mais de démontrer à certains, j'étais malade. En ce moment, les frères, je viens par la salade, je suis malade, il m'arrive telle ou telle chose. D'accord? Bayen, fais un bayen toi avant que les gens ne se mettent à douter de toi. Et s'ils doutent de toi, on ne peut pas les blâmer. Dire, ouais, ces gens-là, ils pensent du mal. On dit, non, tu es tombé sur un acte qui fasse que les gens pensent du mal. Donc c'est à toi d'arranger la situation, en premier lieu. Et pas de mal qu'un frère demande également. Un frère, s'il voit, par exemple, son frère, il ne vient jamais au salat, à la salat, il dit, après, on ne voit pas la salat. Comment ça se fait? Et là, le frère, il s'explique, mais ça laisse une excuse. Là, ben, ce qu'on demande également. Mais si quelqu'un ne demande pas et qu'il a un doute, on ne peut pas le blâmer. On ne peut pas le blâmer non plus. Naam. Donc après, le shir dit. Et ça, c'est une chose qu'on répète très souvent dans les douros. Pour pas que des gens, justement, afin que les frères et les sœurs, afin que les gens puissent profiter. D'accord? C'est une chose importante. Préserve ton honneur autant que tu peux. Toutes les choses qui amènent à ce qu'on doute de toi, pour une chose que tu auras commise toi comme faute, ou qui passerait comme étant une faute, c'est à toi de bayen en premier. Et ça, c'est parmi la religion. Les gens n'ont pas à dire, je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas à m'expliquer, à me justifier. Il y a des choses, si justement c'est le cas, il faut le faire. Et ceux qui ne le font pas, qui ne blâment pas les gens qui parleraient sur lui. Quand le mu'alifu, حفظه تعالى من سمع النداء يقول مثل ما قال المؤذن والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. Donc l'auteur dit dans le 60e point, celui qui entend l'appel à la salat, qu'il répète ce que dit le muazzin. Et la preuve, c'est le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez l'adhan, dites ce que dit le muazzin, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc là, c'est le mas'ala, que celui qui entend l'adhan répète ce que dit le muazzin. De quelle façon il fait? C'est venu dans l'explication. C'est venu dans le hadith rapporté par Omar radhiyallahu anhu chez l'imam Muslim. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a bien dit de répéter tout ce que dit le muadzin. S'il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Plutôt, il dirait, si l'un d'entre vous dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, et que le muazzin dit Ashhadu an la ilaha illallah, que l'un d'entre vous dise Ashhadu an la ilaha illallah, que le muazzin dise Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, si l'un d'entre vous dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que si le muazzin dit Hayya ala salat, que l'un d'entre vous dise la hawla wa la quwwata illa billah. Là, il répète pas hayya ala salat. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah. En puis qu'il dise, c'est-à-dire le muazzin, hayya ala al-falah, que l'un d'entre vous dise la hawla wa la quwwata illa billah. Dans ces deux phrases, hayya ala salat, hayya al-falah, on ne répète pas ce que dit le muazzin, mais plutôt on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et à la fin, il dit Allahu akbar, Allahu akbar, que l'un d'entre vous dise Allahu akbar, Allahu akbar. Et s'il dit La ilaha illallah, que l'un d'entre vous dise la ilaha illallah, tout cela, s'il dit de cela par son cœur, c'est-à-dire avec véracité et sincérité, il entrera au paradis. Donc on répète tout ce que dit le muazzin, hormis hayya ala salat, hayya ala al-falah. À ce moment-là, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Donc là, c'était les masalés qu'on a pris aujourd'hui, qui sont que nous avons cinq salats qui sont prescrites quotidiennement, de jour et de nuit. Que chaque salat, on doit faire l'azan. La salat en groupe, on doit faire l'azan. C'est un fort kifa'i. D'accord? Que certains de la communauté doivent le faire obligatoirement. Et que celui qui entend l'azan, qu'il dise, comme dit le muazzin, qu'il répète la même chose. Azaou. Naam. Fanakifuna. Walhamdulillah rabbil alamin.